Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de l'Instant Éco, le rendez-vous économique sur Radio Fadjet dont l'ambition est de vous faire aimer l'économie en parlant essentiellement de l'économie locale. Alors lors de chaque émission, nous aborderons une thématique spécifique. Aujourd'hui, l'esprit d'entreprendre, nous allons recevoir donc Mathieu Fols de la société MF Propreté. Bonjour Mathieu. Bonjour. On se retrouve donc dans quelques instants pour cette nouvelle émission de l'Instant Éco. Alors aujourd'hui, nous partons à la rencontre de ces entrepreneurs qui font vivre nos territoires. Alors direction la région nancéenne pour découvrir donc le parcours de Mathieu Fols qui dirige une société, donc une entreprise de nettoyage MF Propreté, un secteur discret mais essentiel et surtout une belle histoire d'entrepreneuriat. Donc bonjour Mathieu Fols. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est avec grand plaisir, merci à vous. Alors nous ensemble, nous allons partir à la découverte de votre parcours, de votre métier. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, alors pouvez-vous nous expliquer comment êtes-vous arrivé à créer votre société, dont je rappelle MF Propreté, qui je crois est installée à Toul. C'est ça, à Bic-les-Mêmes. Et c'est Mathieu Fols Propreté. Mathieu Fols Propreté. Voilà, on est resté simple, mais au moins l'ensemble du nom est là et les gens me connaissent directement par mon nom. Alors expliquez-nous un petit peu comment vous êtes arrivé à créer votre entreprise. Alors tout part d'une rencontre tout simplement. Lors d'une soirée avec ma femme qui m'a fait rencontrer l'ensemble de ses amis, l'un d'eux était laveur de vitres. Moi au parallèle, avant j'étais dans le domaine de l'immobilier. J'ai passé mon BTS professeur immobilier que j'ai eu un peu grâce à vous, M. Georgel, qui était un de mes professeurs. Voilà. Et donc en parlant de nos jobs différents, et moi de manière un peu curieuse, je lui ai dit bah, « Tiens, ton job a l'air sympa ». Et il m'a dit, bah, écoute, si tu veux, demain matin, c'était un vendredi soir, il m'a dit, demain matin, samedi, 5h, viens chez moi et je te montrerai comment je travaille. Et donc, le lendemain matin, j'ai frappé à sa porte, 5h, il m'ouvre, il me dit, bah, qu'est-ce que tu fais là? Je dis, bah, non, mais tu m'as proposé de me montrer ta tournée de vitres. Eh ben, je suis là. Et bah, 14 ans après, j'ai continué à faire des vitres. Comme quoi, les belles rencontres donc font effectivement engendre de belles opportunités. Exactement. Hein. Donc 14 ans, avec le recul de ces 14 années, pouvez-vous nous citer un votre plus beau souvenir professionnel? Alors, il n'est pas si vieux que ça. En fait, lorsque j'ai voulu faire mes nouvelles tenues de travail pour mon entreprise, logoté avec mon nom, ben mon fils Léo de 11 ans, il s'est dit ben, « moi aussi j'en veux un ». Alors je lui dis « mais pourquoi tu veux un pull ?» Il me dit ben, « parce qu'il y a quand même le nom de famille sur le pull et puis à l'école, ça ferait plutôt pas mal ». Donc j'ai eu ma petite fierté en disant bah, « Tiens, Léo, d'accord, je vais faire un pull à ta taille que tu pourras mettre à l'école avec le nom de la société de son père. » Très bien. Et alors, votre plus mauvais souvenir éventuellement, si vous en avez un? Alors, ça remonte à mes débuts. C'était, je faisais un nettoyage d'une vitrine de magasin sur Nancy et je vois une mère de famille avec son fils en train de discuter. Il n'était pas très 5-6 ans, il me semble. Et elle passe à ma hauteur et à un moment donné, elle regarde son fils et elle dit bah, « Tu vois, si tu travailles mal à l'école demain, tu feras comme le monsieur. » Ah. Sur le coup, je me dis, bon, je suis resté bête et j'ai continué ma prestation. Oui, on ne sait pas quoi répondre face à ce genre de remarques. Hein. Mais c'était, bon, après, avec le recul et dans la voiture, je me dis, mince, c'est l'image que je rejette sur ma profession de laveur de vitres, alors que j'ai un peu ma fierté d'être à mon compte et de me dire, bon, j'ai fait quelque chose de bien, sauf que non. Alors, c'est justement l'occasion de découvrir à travers cette émission, donc ce métier qui est très professionnel. Hein. Vous allez nous expliquer un petit peu les conditions dans lesquelles vous avez travaillé. Mais revenons donc à notre thématique, à savoir l'esprit d'entreprendre. Vous souvenez-vous donc alors, du déclic, du moment où vous vous êtes dit « je vais me lancer ». Donc si j'ai bien compris, c'est au moment de la rencontre avec ce professionnel. C'est ça. À l'issue finalement de cette journée, vous vous êtes dit « je me lance ». Je me suis dit « il y a quelque chose à faire ». Donc j'avais pris un peu de sécurité avant de laisser tomber mon job dans l'immobilier. J'avais encore un peu exercé avec lui pendant quelques week-ends ou des jours de repos pour être sûr que c'était quelque chose qui allait me plaire. Parce que je suppose qu'au début, ça ne doit pas être facile. Quelles ont été les principales difficultés lors du lancement de votre société? Vous partez de zéro, vous n'êtes pas connu sur le secteur, il faut faire ses preuves, faire sa première clientèle, être sûr de la qualité de son travail. Donc, vous vous remettez forcément en question sur un peu sur tout. Et être sûr de ce que vous allez faire vaut la peine et vous génère un peu une revenu d'argent oui, c'est sûr. Pour assurer ses arrières. Trouver des débouchés, ça ne va pas être évident au départ. C'est ça, ouais. Vous partez de l'inconnu, surtout que le secteur du nettoyage est très concurrentiel. Donc, vous n'êtes pas le premier laveur de vitres et il y en a une multitude déjà qui est déjà en place. Donc, il faut faire un peu son petit chemin. Vous allez prospecter le petit boulanger du coin que vous connaissez. Et puis, vous commencez, enfin, c'est comme ça qu'on commence à faire sa première clientèle. Et au niveau des banques, vous avez été sollicité ces organismes financiers au départ? Non, non, parce que l'avantage dans le nettoyage est plus dans la vitrerie. L'investissement est quasiment nul. À part un véhicule pour vous déplacer, le reste, on est sur des kits de démarrage basiques qui ne demandent pas un gros investissement. D'accord. Alors au départ, donc, vous avez dit quelques difficultés, hein, d'inquiétude, mais au contraire, qu'est-ce qui vous a agréablement surpris finalement? Bah, comme vous pouvez parler avec de nombreux chefs d'entreprise, ben, cette liberté d'être à son compte, ça a un coût d'être à son compte et surtout d'être libre, mais d'avoir le choix de travailler, de sélectionner ses chantiers et de faire tout pour son entreprise. Donc c'est un grand luxe et une liberté d'être à son compte. Et pendant ces 14 années, est-ce que vous avez eu des moments de doute? Et si oui, comment vous les avez surmontés? Les doutes, je les ai tous les mois, c'est quand je fais ma comptabilité. Quand je vois ce qu'une petite structure comme moi génère en charge fixe et le fait de relancer certains clients pour avoir les factures payées en temps et en heure. Donc le doute, je l'ai tous les mois. Il lâche pas, le comptable est là et le banquier également. Donc c'est un équilibre à avoir et on se dit que ça fait partie du jeu. Ça contribue à la motivation. Oui, hein, énormément, oui. Voilà, de poursuivre pour pouvoir justement garantir des revenus corrects, hein, c'est donc ça, à votre couple et à votre famille. Alors au-delà du métier de lui-même, qu'est-ce qui vous passionne dans le fait d'être entrepreneur? Vous avez parlé de liberté. Est-ce qu'il y a d'autres aspects qui vous passionnent? Eh bien, c'est le retour aussi de vos clients. Donc on est sur une prestation de service, même si c'est de la vitrerie, on a toujours la satisfaction d'un travail bien fait et la clientèle que j'ai, je le revois et je le ressens directement. Mmh. Et puis j'ai la chance d'être dehors toute l'année. Je ne suis pas entre quatre murs, je ne suis pas derrière un bureau, même si c'est mon premier job, mais aujourd'hui j'ai la liberté de me balader entre guillemets pour mon travail. Voilà, c'est essayer de trouver un bel équilibre entre les attentes du métier, oui, hein, et puis vos attentes personnelles. Oui, oui. Hein. Et c'est vrai que le métier de créateur d'entreprise, c'est un métier donc effectivement qui peut apporter donc cet équilibre. Alors, on a parlé un petit peu création d'entreprise. Le secteur du nettoyage est souvent méconnu du grand public. Alors, quels sont les défis de cette activité? C'est ce qu'on verra dans la deuxième partie donc, de l'émission. On va faire une première pause musicale. C'est l'occasion justement de découvrir les coups de cœur musicaux de notre invité. Au-delà du métier, quelles sont vos passions et notamment vos passions musicales? Alors, quel était votre premier choix? Alors, c'est Charles Bradley. En fait, je référence toujours un morceau de musique à une personne. Et c'est une personne qui m'a marqué, qui était un de mes responsables d'agence dans les offices H&M, qui était, si je peux le citer, Jean-Christophe Louis, qui avait quand on partait en rendez-vous dans sa voiture, il avait toujours une multitude de CD et il nous faisait écouter tout ce que moi, je ne pouvais pas savoir. Et forcément, on a toujours tendance à mettre la radio et la première station qui nous tombe sur le nez. Et grâce à lui, on pouvait connaître des nouveaux goûts musicaux. D'accord. Alors, vous allez me rappeler donc, le nom de l'interprète et le nom de la chanson. L'interprète, Charles Bradley. Charles Bradley. Alors, c'est The World. On va écouter ça. Et puis, moi aussi, ça me permet de découvrir effectivement cet interprète. On retrouve donc tout de suite votre premier coup de cœur donc, musical. Nobody Voilà, c'était donc le premier coup de cœur donc, de notre invité Mathieu Folle. Vous allez rappeler le nom de l'interprète. Charles Bradley. Charles Bradley, Mathieu Folle, qui représente la société Mathieu Folle Propreté, installée donc à Toul, et qui est notre invité pour parler esprit d'entreprendre. Vous écoutez Fadjet. Oui, vous êtes en effet bien sur Radio Fadjet et nous accueillons pour cette émission de l'Instant Éco donc Mathieu Folle pour parler donc esprit d'entreprendre. Donc nous sommes revenus dans la première partie sur votre parcours professionnel. Abordons maintenant le secteur donc du nettoyage sur lequel vous intervenez. Alors pouvez-vous nous décrire avec précision les services que vous proposez exactement à vos clients ? Alors le plus gros de mon activité c'est le lavage de vitres. J'ai en toute partie de nettoyage de bureaux d'entreprise que j'avais lancé à mes débuts, qui m'assurait mon petit revenu et mon petit coussin. Et aujourd'hui, je suis spécialisé principalement dans le lavage de vitres. D'accord. Donc uniquement lavage de vitres. Donc sur le plan concurrentiel, vous êtes plusieurs sociétés à proposer ce même type de service ? Énormément. Toutes les entreprises locales de nettoyage ont un service nettoyage d'accord. de vitres. De vitres, d'accord. Et donc vous intervenez donc aussi bien pour les entreprises, des particuliers, des collectivités ? 90% de mon temps, c'est du nettoyage de vitres chez le professionnel. Donc ça, bureau d'entreprise, des magasins sur Nancy, ça me permet surtout d'assurer mes arrières sur l'année complète. En particulier, ça représente 10% sur les périodes estivales, sauf que le particulier, c'est un peu volatile. Le moindre intempérie ou autre, il peut annuler ou décaler un rendez-vous. Le D'accord. professionnel, c'est fixé par un contrat et au moins, ça me laisse de la visibilité dans le temps. Et au niveau des collectivités locales, je ne sais pas, est-ce que vous intervenez pour des communes, des départements notamment ? Très peu, qu'on part sur les appels d'offres. Oui, voilà. Et étant tout seul, je n'ai pas assez la force sur la tarification surtout, par rapport à des grosses structures. Alors, est-ce que vous avez un positionnement particulier ou des spécialités à proposer au niveau du nettoyage écologique ? On va revenir tout à l'heure sur les défis, au niveau des locaux industriels, au niveau des copropriétés. Eh bien, tout bâtiment qui a de la vitrerie, avec un accès difficile ou avec une spécificité de la vitre, je peux y accéder. Mmh. Donc, je suis aujourd'hui apte à réaliser tout nettoyage de vitre dans le meilleur des possibles. Le meilleur des possibles. Alors, voilà. Vous disiez tout à l'heure qu'il n'y avait pas besoin beaucoup d'investissement, mais si vous avez l'obligation de nettoyer des vitres d'un immeuble d'une certaine hauteur, vous avez dû investir dans des équipements. Exactement. Pour se lancer et aller faire le nettoyage de la petite boutique du coin, le kit de démarrage est très bien. Quand vous commencez à avoir des buildings ou des surfaces compliquées, vous avez besoin d'avoir d'une nacelle. Et dans ces cas échéants, vous avez besoin d'un cassesse. Et après, le matériel de laveur de vitre devient un peu plus conséquent en fonction de ce que vous voulez faire et où accéder avec la vitre. On va maintenant parler des grands défis auxquels vous faites face dans le domaine effectivement, du nettoyage. Et je voudrais en parler en premier lieu donc, du domaine écologique parce que effectivement, les entreprises ont une approche dite RSE en lien avec l'environnement. Alors, est-ce que c'est un domaine sur lequel vous êtes sensible ? Exactement. Comme tout corps de métier, c'est un secteur qui, et aujourd'hui, on en parle de plus en plus. Donc, dans le domaine du lavage de vitres ou dans l'entretien courant de bâtiments, effectivement, on a souvent maintenant des restrictions d'eau. Donc les appareils qu'on utilise aujourd'hui sont performants et on a une économie en énergie ou en eau. Et vis-à-vis des produits qu'on peut utiliser, c'est la même chose. Aujourd'hui, on tend vers l'écologie et des produits moins agressifs, plus adaptables, entre guillemets. Dans le lavage de vitres, le produit basique, c'est du produit de vaisselle. Vous comme moi, vous l'utilisez pour votre vaisselle, il n'y a pas d'impact, je pense, négatif en soi. C'est un produit commun que tout le monde peut utiliser. Après, quand on part dans le domaine du nettoyage courant, effectivement, certaines tâches nécessitent certains produits et la part écologie, les fournisseurs aujourd'hui ou les fabricants sont conscients d'avoir des solutions et de produits qui peuvent répondre aux nouvelles normes. Alors, est-ce que vous êtes confronté à d'autres défis dans votre métier ? Le défi, c'est l'humain. Aujourd'hui, le nettoyage est un service que vous payez et vous avez forcément un résultat optimal à avoir derrière. Sauf qu'on oublie souvent, c'est que vous avez un intervenant, un agent d'entretien, un laveur de vitres, qui a ses qualités en termes de savoir-faire, de maintenance ou d'utilisation de produits ou de machines. Et les gens aujourd'hui oublient cette personne qui entretient vos bureaux, etc. Donc la mise en lumière de l'agent d'entretien, je pense que c'est un des défis primordiaux. La question que je pose souvent aux gens, c'est quelle entreprise intervient chez vous et est-ce que vous connaissez l'agent d'entretien ? 90% du temps, les gens ne le connaissent pas. Donc, effectivement, il y a aussi ce côté où les gens interviennent le matin ou le soir où il n'y a personne. Donc, on essaie aujourd'hui de faire rentrer l'agent d'entretien dans le monde du travail et surtout dans l'entreprise en fonctionnement. Donc, c'est un jeu d'équilibre Mais j'ai certains clients où je sais qu'on côtoie les agents d'entretien en même temps que le personnel. Et ça permet surtout de mettre un nom à cet agent. Et mine de rien, vous avez pas un respect, un meilleur respect, mais vous faites un peu plus attention à la tache de café que vous avez fait tomber ou les miettes de croissant que vous avez laissées sur votre bureau parce que vous connaissez l'agent d'entretien. Tout à fait. Justement, ça rejoint l'introduction tout à l'heure. Hein. Je parlais d'un secteur discret. Oui, on est des gens de l'ombre. Voilà, des gens de l'ombre. Et vous avez raison de prendre en compte cette dimension humaine. Alors justement, dimension humaine, ça fait le lien avec la question du recrutement. Dans beaucoup de secteurs, il y a des difficultés de recrutement. Aujourd'hui, est-ce que vous êtes aussi confronté à ces difficultés de trouver des salariés pour vous accompagner dans votre entreprise? Oui, je suis en plein dedans. J'ai testé 2 salariés et malheureusement, je n'ai pas réussi à les garder. Donc, peut-être un problème de management ou autre, mais on est dans un secteur très compliqué, le nettoyage. On nettoie la saleté des autres. Il faut intervenir le matin ou le soir. Donc, c'est vraiment des éléments à prendre en considération. Et il y a un salaire derrière qui n'est malheureusement pas évalué à la valeur de l'humain. Donc, il faut concilier tous ces points-là pour motiver les gens à venir dans ce secteur d'activité qui est formidable en soi, parce que je le suis aujourd'hui. Bon, après, la contrepartie, c'est que je suis à mon compte, donc je défends différemment mon travail sans dénigrer le salarié exactement. Mais voilà, c'est le petit point, c'est ça. Est-ce que vous avez constaté une évolution depuis 10 ans de votre métier? L'évolution, étant donné que je fais que de la vitrerie, l'évolution, on est sur l'aspect immobilier. Où les nouvelles constructions aujourd'hui, on a une multitude de vitres, etc. Donc c'est vrai que c'est un plus pour moi et ça me laisse une visibilité sur l'avenir en me disant qu'il n'y a pas de crise dans le lavage de vitres. Ah bah c'est une bonne nouvelle. Alors justement, ouais. Ça fait le lien sur justement la troisième partie de l'émission. On va parler perspectives d'avenir pour votre société. On va passer maintenant à notre deuxième coup de cœur donc musical. Quel a été votre choix? Alors là c'est pareil, c'est un petit coup de cœur et c'est surtout pour faire un petit clin d'œil à ma femme. C'est une musique qu'on apprécie énormément et c'est The Cinematic Orchestra, Arrival of the Bird. En fait, c'est la musique de notre entrée de mariage. Donc, je voulais profiter de ce petit deuxième morceau pour faire un clin d'œil à ma femme, qui est l'une de vos anciens élèves également. Également, bah c'est très bien. Et moi, j'ai eu l'occasion d'écouter cette musique, elle est formidable. Voici donc votre deuxième coup de cœur musical. Voilà, c'était Arrivals of the Bird, le deuxième coup de cœur de notre invité Mathieu Folz qui nous accompagne pour donc l'émission L'Instant Éco pour parler d'esprit d'entreprendre. Fadjet, c'est plus qu'une radio. Oui, vous êtes bien sûr Radio Fadjet pour l'Instant Éco pour parler entrepreneuriat et secteur du nettoyage avec la société Mathieu Fols, donc Propreté, avec son gérant qui est présent aujourd'hui, Mathieu Fols. Pour terminer cette émission, parler un petit peu perspective d'avenir. Alors, est-ce que vous envisagez, donc vous avez dit que vous étiez spécialisé dans les lavages de vitres uniquement, envisagez-vous éventuellement de vous diversifier ? Non, parce que j'adore ce que je fais. Et je le fais bien, donc je minimise les risques et je préfère continuer dans ce domaine-là. Alors, est-ce que vous avez éventuellement des projets de développement néanmoins pour les mois ou les années à venir ? Le développement pur de l'entreprise, non, parce que je reste tout seul et à un moment donné, on n'a que deux bras et deux jambes, donc on fait au mieux. Le côté développement, je le fais par rapport à un partenaire. Aujourd'hui, on arrive à avoir des partenariats dans le domaine du nettoyage et dans le lavage de vitres. J'ai un partenaire, la Matex Moerman, qui est un des leaders dans le matériel de vitres. Et grâce à eux, je peux avoir les retours des futurs projets et matériels en développement. Et je peux également les tester sur le terrain. Donc c'est un plus aujourd'hui, en tant que laveur de vitres, d'avoir un partenaire derrière qui me suit, qui me fournit du matériel et avoir aussi le petit côté prototype et tester le futur matériel de demain pour les laveurs de vitres. Donc, c'est un partenariat gagnant-gagnant. Exactement. Hein, donc, c'est une bonne nouvelle pour vous. Et quelles sont, vous avez montré les difficultés hein, pour rendre ce métier un petit peu attractif, notamment vis-à-vis des plus jeunes. Alors, quelles sont vos préconisations pour rendre ce métier un peu plus attractif ? La visibilité. Voilà, je pars toujours encore de l'humain, mais la visibilité de ce domaine d'activité qui fait nourrir énormément de monde et qui est essentiel dans nombreux... corps de métier ou d'entreprise, c'est de mettre en lumière son agent d'entretien, son laveur de vitres. Alors vous avez parlé donc de ce secteur discret, hein, du secteur du nettoyage. Alors si vous deviez donner un conseil à quelqu'un qui souhaite et qui hésite à entreprendre dans le nettoyage, quel serait ce conseil ? D'être calé dans ce qu'il veut faire, dans la prestation qu'il veut vendre, être vraiment de ne pas se diversifier au départ et sélectionner une ou deux tâches et être sûr de vendre un service de qualité. Très bien. Alors, comment peut-on vous contacter ? Alors, donc, si nos auditeurs vous écoutent et en savoir plus sur votre société ? Alors, aujourd'hui, les réseaux sociaux sont une de mes vitrines, soit par les réseaux ou directement sur mon site internet avec toutes mes coordonnées dessus. Donc, on rappelle le nom de votre société ? Mathieu Fols Propreté. Voilà, et vous êtes installé ? À Biclay. Côté de Toul. À côté de Toul, très bien. Un mot de la fin pour nos auditeurs ou un message que vous aimeriez faire éventuellement passer ? Eh bien, que ce secteur est toujours en demande de nouveaux visages et de nouveaux bras, et que malgré l'image un peu de l'ombre, c'est un secteur qui est, même moi, au bout de 14 ans, je m'épanouis à me lever tous les matins, aller travailler et faire cette activité-là. Ben ainsi s'achève donc cette émission donc de l'Instant Éco. Merci Mathieu Fols d'avoir accepté mon invitation. Avec grand plaisir. En espérant vous avoir éclairé au mieux les auditeurs sur votre métier et sur l'esprit d'entreprendre. En tout cas, vous êtes un entrepreneur très motivé, hein, ça se sent. Et on retient que derrière un métier souvent discret se cache une véritable aventure entrepreneuriale faite de rigueur, de proximité, mais aussi d'innovation. Vous nous avez montré que le secteur du nettoyage en pleine mutation offre de belles opportunités et joue un rôle clé dans notre quotidien, surtout en milieu urbain, hein, comme ici à Nancy. Alors, si vous avez pris l'émission en cours, vous pouvez nous retrouver en replay sur le site de Radio Fadjet. Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis. On se retrouve donc très bientôt pour un nouveau numéro de l'Instant Éco. Et n'oubliez pas donc d'ici là de rester fidèle à cette radio qui fait battre le cœur de notre économie locale. À très bientôt pour une nouvelle émission sur Radio Fadjet de l'Instant Éco.